Vous écoutez Radio Active. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Tacticalfm.com. Ose dénoncer. Tacticalfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Eh bien, bonjour à tous, vous êtes de nouveau sur Radioactif, c'est OpenScape, il est 17h02 sur Radioactif. Rendez-vous sur Skype, vous recherchez radio.actif, OpenScape, ça commence et c'est maintenant. Si vous avez des petites annonces, des coups de gueule, des coups de cœur et plein d'autres choses à dire, n'hésitez pas à intervenir sur Skype, radio. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute de Radioactif, il est 17h12. Tout à l'heure, un sketch avec... Bon, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Donc, tout à l'heure, un sketch. Et puis, là, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à vous brancher sur Skype et rechercher le pseudo radio.actif. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Activantfm.com. Ose dénoncer. Activantfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Leur agent, l'un des trois cinémas de la ville, avait annoncé un grand fracas. Prochainement, Olga, le film qui va au-delà du réel. Une production de la RDA. Ça nous a refroidi un petit peu au début, mais il y avait une information en bas de l'affiche qui avait mis le feu aux poudres dans toute la région, puis dans tout le pays. Film interdit aux moins de 18 ans. Dès le lendemain, trois semaines avant l'arrivée du film, des affichettes étaient collées partout en ville. Pour le film Olga, il vous sera réclamé une carte d'identité en cours de validité ou un permis de conduire poids lourd. Dès le lendemain, la mairie a été submergée de monde. Il y avait des milliers de jeunes qui tenaient absolument à régulariser leur situation administrative. Les studios de photographes étaient submergés de monde aussi. De jeunes adolescents à qui la municipalité avait refusé de délivrer le précieux document venaient avec des témoins pour prouver qu'ils étaient nés beaucoup plus tôt que la date inscrite sur les registres de naissance. Le jour dit, dès l'aube, des foules entières s'étaient amassées devant les grilles du cinéma Le Régent. Une longue file de brushing identique s'étendait jusqu'à la sortie de la ville. La technique du brushing venait d'arriver dans le pays et avait révolutionné l'esthétique nationale. C'était le début de la période hippie et la mode était de se laisser pousser les cheveux très longs. Et donc nous aussi on suivait la mode. Mais le problème c'est que nous, comme on a les cheveux... C'est-à-dire qu'on a les cheveux fiers. Même sous la douche, il reste debout. Fluctuat nec mergetur. Ce qui fait que quand on se laissait pousser les cheveux longs, ça nous faisait des masses volumineuses énormes autour de la tête. Et si en plus le type se laisse pousser une barbe et une moustache, quand il passe devant toi, on se demande s'il y a quelqu'un dans les poils. Hein. Quand on allait chez le coiffeur pour qu'il nous aide à tirer les cheveux, à les remettre dans le droit chemin, ça nous faisait des formes raides. Des fois le type, quand il se retourne pour partir, les cheveux, ils restent. Et cette coupe-là, tout le monde appelait ça casque allemand. De loin, quand on voyait les centaines de jeunes avec les pantalons pattes d'éléphant et les brushings casque allemand, on avait l'impression que c'était une section de la Wehrmacht. Toutes les deux minutes, les plus jeunes tâtaient leur poche pour vérifier que leur carte d'identité était bien en place. J'avais 14 ans, mais j'ai miraculeusement réussi à rentrer en glissant un bakchich conséquent à l'un des contrôleurs. La salle était archi pleine, pleine comme un œuf. Dès que les lumières s'éteignirent, il y eut un cri de joie suivi d'un silence à couper au boussadi. On était mort avant le générique. Dès que le nom de l'actrice a été projeté sur l'écran, on regardait entre les lettres. Et le film a commencé. 5 minutes, 10 minutes, rien. 20 minutes, 30 minutes, wallou. Il y en a même qui sont allés regarder derrière l'écran pour voir si les actrices ne se déshabillent que de l'autre côté. 50 minutes, 60 minutes, rien du tout. Jusque-là, le film est tellement mauvais, il devrait être interdit à tout le monde. Tout le début du film, c'était vraiment le standard classique du film chiant. Ça racontait l'histoire d'une femme au foyer, battue par son mari, un alcoolique psychotique. Rien de bouleversant, quoi. Mais si on voulait voir ça, nous, on reste à la maison, on a le film en direct. Bah oui, bien sûr, bah oui. Et on fait pas la carte d'identité, tu payes pas, et des fois même tu joues dans le film. Alors au début, à un moment donné, Olga... tombe enceinte, c'est l'héroïne du film. Elle tombe enceinte et pense que la venue d'un enfant allait sauver son ménage. Mais elle découvre que son mari file le parfait amour avec la gardienne de la barrière du passage à niveau de la voie ferrée Dresden-Leipzig. Et par ailleurs, collaboratrice à temps partiel de la Gestapo, Olga, députée, décide d'abandonner son mari, mais elle décide d'avorter. Et on parle de... Et pendant ce temps-là, nous, on attendait interdit au moins de 18 ans. Et tel que c'est parti, on est loin. Hein. Quelle heure il est là? Falsa, 1h10 déjà. Nadine, même s'il y a quelque chose, il reste plus que 10 minutes. Ils n'auront même pas le temps de développer. À un moment donné, Olga passe sur un trottoir. Elle voit à travers la bivitrée d'un bistrot son mari à l'intérieur en compagnie de sa maîtresse. Furieuse, Olga pénètre dans le bar et une bagarre s'ensuivit entre les deux femmes qui avaient failli coûter la vie à Olga. Une ambulance était venue et on l'a transportée à l'hôpital où elle est restée au moins pendant 2 bobines. On a eu la totale. Tout le processus, l'anesthésie, le sérum, la visite du docteur, la visite familiale, les femmes de ménage, les cuisiniers. Hey, c'est un documentaire sur un hôpital ou quoi ça? Il y a eu juste le moment où un infirmier avait soulevé la jupe d'Olga et il lui avait mis une piqûre et vu sous un certain angle, on a dit « Ah, c'est ça !» T'as vu ? Il a dîné. Ah, regarde par là-bas, toi, regarde par là-bas. Ouais, il a dîné. Là, c'est ça, c'est un peu loin, mais c'est ça. Tu as vu comment il lui a fait dîner. Mais non, c'est une seringue. Comment ça, une seringue ? Mais je n'ai jamais vu une seringue comme ça, moi. Oui, mais c'est une seringue allemande. C'est pas une seringue algérienne. C'est normal, les Allemands, ils sont tous obèses, ils sont gros. Pour aller jusqu'à la maladie, il faut des seringues énormes. Hein. Il faut chercher là-dedans hein, pour trouver. Hein. C'est pas comme nous, on est tellement maigres, tu mets la piqûre directement sur le microbe. Ah bah oui. Nous, le microbe, tu le vois, à l'œil nu, il arrive comme ça. Ça y est, je suis guéri, classe. Hein. À un moment donné, Olga s'est mise à hurler. Les infirmières la transportent au bloc opératoire. Lumière, chirurgien. Et là, tout d'un coup, au moment où on s'y attendait pas, on a eu la totale. La scène interdite aux moins de 18 ans. C'était un accouchement en direct. C'était gore. Un accouchement allemand. Wagner, la, la. Le bébé, il arrive comme un spéléologue, il prend son temps, la, la, la, la, la, la, la. C'est pas comme chez nous, hein. Chiloup, allez, va jouer dehors, va. Fais vite, il y a ton frère qui arrive, hein. Et tu ramènes 8 baguettes quand tu reviens, hein. Et en bas de l'écran, c'était marqué « Pour la première fois en direct au cinéma ». Ouais, peut-être pour la première fois en direct au cinéma, mais chez nous à la maison, c'est un classique, il tourne en boucle. Nous, c'est 4 fois par an en direct, direct. Et en fait, quelques temps après, on avait appris que c'était un documentaire un peu élaboré, destiné à la faculté de médecine, pour les étudiants en gynécologie. Et c'était pour cela que le scénario avait l'air aussi tiré par les cheveux que les cheveux des spectateurs eux-mêmes. Le documentaire nous avait été envoyé par la RDA dans le cadre des échanges culturels entre les deux pays frères, Allemagne et Algérie de l'Est. Mais le film a fait un tabac. Il a eu un succès fou. Les hommes qui avaient été tenus depuis toujours à l'écart de ce mystérieux événement venaient de partout. Ils descendaient des montagnes, venaient par quarantiers de tous les villages environnants. La direction du cinéma, au début, pour parer à la forte demande, avait rajouté des séances supplémentaires, puis fini par ne plus projeter que la bobine où il y avait l'accouchement. Le reste du film n'ayant de toute façon aucun intérêt. Et c'est comme cela qu'un film scientifique a rencontré accidentellement un immense public populaire assoiffé de culture. Bonjour, vous êtes en direct sur Radio Actif, c'est à vous maintenant. Ouais, salut à tous. C'est Gloubil. Bon, bah, j'étais venu faire une petite annonce là. J'ai envie de parler de League of Legends, je vous en avais déjà parlé. Donc, League of Legends, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu multijoueur qui est gratuit, hein. Et c'est un Dota-like. Donc, on peut choisir plusieurs personnages et on s'affronte donc sur une carte. Une map, quoi, si vous voulez. Donc j'en avais un peu parlé et là en ce moment je suis en train d'essayer donc un personnage qui s'appelle Akali. Donc Akali c'est une ninja, elle a pas de mana, elle a pas de, enfin disons qu'elle a pas besoin de se régénérer en mana, elle c'est en énergie. Donc le système d'énergie c'est à peu près le même principe que par exemple les voleurs, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, c'est exactement le même système. C'est l'énergie se régénère automatiquement, mais on peut pas l'augmenter. On a des points d'énergie qui sont limités. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je découvre avec Akali, bah, c'est que c'est un perso qui est extrêmement puissant. Et franchement, on peut faire des kills très faciles. Il y a vraiment moyen de fraguer dans toutes les games qu'on fait. Le seul truc, c'est que c'est un personnage qui est assez fragile. Donc il faut savoir équiper correctement son personnage. Donc équiper, le stuffer, hein, pour ceux qui savent pas. Donc, moi, de ce que j'ai remarqué, des conseils que je peux donner, s'il y a des gens qui jouent à League of Legends et qui veulent tester Akali, déjà, moi, je vous conseille de, comment dire, de tout miser déjà sur, pas vraiment sur la défense, mais on va dire surtout sur la puissance magique. Pour moi, Akali, c'est un personnage qu'il faut qu'il frappe très vite et qu'il se replie très rapidement. Donc, elle a plusieurs sorts qui sont vachement bien, qui sont adaptés à elle, justement, pour fuir. Donc en gros, quand je parle d'un sort qui est facile pour elle pour fuir, on parle du linceul nébuleux. Donc c'est en quelque sorte un sort de fumigène qui masque la zone dans laquelle elle va se déplacer. Donc ça permet à nos ennemis de pas nous apercevoir, et nous on peut se tailler en douce ou bien on peut continuer à les attaquer en étant caché. Enfin, c'est assez vicieux comme personnage. Donc moi, au début, j'arrivais pas beaucoup à la jouer. Et en faisant des efforts, en me renseignant, j'en ai déduit ça. J'en ai déduit que c'est un personnage sur lequel il faut miser tout en puissance magique, en rapidité de déplacement. Donc quand je dis en rapidité de déplacement, essayez de prendre les bottes plus 3. Les bottes plus 3, c'est, je pense, les bottes les plus adaptées pour Akali. Et après, c'est lancé. Alors, c'est lancé... c'est pas si facile encore à dire. Il y a des personnages qui vont vraiment vous poser problème avec Akali, mais qui vont vous poser problème continuellement. Donc faites attention aux tanks et surtout aux archers. Les archers, quand je dis les archers, c'est je parle de hachés et je parle surtout de maintenant le personnage qu'ils ont sorti, qui est, c'est un fléau, c'est Urgo. Hein, Urgo, c'est donc ça, c'est encore un autre personnage bien différent dont je vous parlerai plus tard ou une prochaine fois, mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention aux dégâts à distance. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai parlé d'Akali parce que c'est le personnage que je teste en ce moment. Et voilà, ça me faisait plaisir de vous en parler. Sinon, précédemment, je jouais Gangplank. Hein. Gangplank, donc lui, c'est un pirate. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un pirate qui déboîte. Hein. Il déboîte, il tue assez facilement. Il faut juste orienter ses runes vers des stats de critique. Et déjà, d'avoir orienté ses runes vers des stats de critique et après de savoir correctement prendre ses items, c'est déjà un grand pas. Et Gangplank, c'est un personnage qui est, on va dire, assez facile à jouer, mais il faut pas s'endormir avec. Parce que son ultime, il est vachement sympa, mais passé au level, vous tuerez très peu de gens avec son ultime. Tout ce que vous ferez, c'est soit de les perturber, soit de les ralentir. Faut savoir qu'à haut niveau, quand vous allez jouer contre des vrais gamers comme vous, ils connaissent votre personnage, ils savent très bien de quoi il est capable de faire. Donc dites-vous que ce sera un personnage qui sera pas vraiment craint à haut level. Tout ce qui fait que Gangplank, c'est quand même un personnage qui est énorme, c'est son premier sort. Hein. Donc son premier sort, c'est pourparler. Donc pourparler, c'est quoi ? C'est un shoot. C'est un shoot qui fait énormément de dégâts et qui peut être vachement boosté si vous avez augmenté vos dégâts critiques. Donc augmentez vos dégâts critiques avec vos items et avec vos runes. Donc voilà, voilà quoi. Donc Gangplank, moi ça m'a bien plu. J'ai gagné pas mal de games, je me suis pris des bonnes raclées aussi, mais c'est quand même un bon personnage. Mais j'abandonne parce que je trouve qu'à haut niveau... À haut niveau, c'est pas un personnage où on peut s'amuser. On peut jouer encore en pick-up, mais en team, il faut jouer avec des personnages un peu plus sérieux. C'est pour ça que je me suis orienté pour Akali. Donc, je me suis orienté sur Akali, mais bon, bien sûr, je sais jouer d'autres personnages. Hein. Je viens pas de commencer. Donc, d'ailleurs, en parlant de « je viens pas de commencer », les gens qui commencent League of Legends ou qui vont commencer parce qu'ils seraient intéressés d'y jouer, moi, je vous donne un conseil, c'est... Y allez-y cool, vous prenez pas la tête. Hein, c'est un monde qui est assez cruel, les Dota-like. Hein, les joueurs sont pas souvent fair-play. Souvent, vous allez vous faire insulter de noob, de Kevin. On va vous traiter de tous les noms d'oiseaux si vous vous faites tuer bêtement ou si vous assurez pas bien en teamfight. Donc ça faut le laisser de côté. Hein. Tout le monde doit commencer un jour. Donc il faudra pas se sentir rabaissé. Ça peut frustrer un joueur qui connaît pas du tout League of Legends et qui va commencer à jouer. Hein, je veux dire, moi au début que je suis arrivé, tout de suite, au moindre frag que je faisais, mais qui avait pas été fait dans les règles de l'art, tout de suite, on se moque de toi, on te rabaisse. Donc il faut savoir que c'est une minorité de gens, mais malheureusement ça pèse. Ça pèse dans l'esprit d'un joueur. Donc si vous commencez, y allez-y cool, trouvez-vous une petite team de gens sympas. Il y a des forums qui existent pour ça. Vous postez, vous dites que vous cherchez une team et il y a plein de teams qui vous prendront. Donc voilà, c'est pas un jeu qui est fait que pour les gamers purs et durs. Être un gamer, de toute façon, aujourd'hui, ça veut plus dire grand chose. Avec les jeux familiaux qui ont sorti, regardez, ils ont sorti StarCraft 2. Hein, ceux qui ont joué à StarCraft autrefois, regardez aujourd'hui StarCraft 2 ce que c'est devenu. C'est devenu un produit commercial. Le multijoueur, moi je vois vraiment pas ce qu'il y a d'intéressant. Alors que quand on regardait StarCraft 1, à l'époque là il y avait vraiment du défi quoi. Moi je me rappelle, je faisais pas mal de tournois, j'avais été champion de ma région avec ça. Enfin, ça c'est, pour moi c'était vraiment des jeux de gamers quoi. On était à fond dedans. C'est voilà. Aujourd'hui ça compte plus trop. Hein. Aujourd'hui, j'ai remarqué que les jeux sont plus les jeux multijoueurs. Hein. Les jeux multijoueurs, c'est plus tu joues déjà dans les MMORPG, c'est plus t'as de temps de jeu, plus t'es fort. Et c'est pas plus tu sais jouer, plus t'es fort. Non, non. Souvent, c'est plus t'as de temps de jeu, parce que tu peux mieux t'équiper et compagnie. Et pour faire le rapprochement avec les jeux comme League of Legends, ça, ça n'a rien à voir. League of Legends, vous pouvez y jouer de temps en temps, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a rien de tout ça. Hein, y a des niveaux à gagner, mais les niveaux, vous allez les gagner tranquillement et vous affronterez toujours des adversaires de votre niveau. Et dans League of Legends, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Donc c'est gratuit. Donc si tu veux pas jouer, si ça te plaît pas, bah t'arrêtes de jouer. C'est comme ça. Ou si tu as des amis qui connaissent pas le jeu, tu veux les faire jouer avec toi, eh ben ils peuvent l'installer, c'est gratuit. Alors c'est gratuit... Vous allez me dire, bah oui, mais comment un jeu pareil, il arrive à se financer? Il arrive à se financer par l'achat de... Enfin, c'est un système de points, un peu comme les points Microsoft, pour ceux qui ont le Xbox Live ou autre. Hein, donc, c'est des points, c'est un peu le système des points Microsoft. On achète des crédits contre du vrai argent, et ça nous permet de débloquer des bonus, des skins pour nos personnages, ou acheter des autres personnages. Donc après, voilà, c'est... Ça, c'est au choix. On peut acheter des combats points, mais on n'est pas obligé. Hein, pour jouer au jeu là, on n'est pas obligé d'avoir des combats points. C'est pas celui qui achètera des combats points qui sera, comment dire, qui sera plus avantagé que vous. Ça, ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas d'avantage avec l'argent dans le jeu là. C'est juste que l'argent, le vrai argent avec lequel on achète des combats points, il nous permet juste d'acheter des petits objets pour le fun. Alors bon, vous allez me dire, bon bah ça sert à rien, bah non, il y a plein de joueurs qui achètent, hein, qui veulent avoir un skin, ils veulent pas ressembler à tout le monde, ou alors ils veulent avoir tel truc, voilà, donc ça, ça marche bien. Ça marche bien, et c'est d'ailleurs c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça permet, bah voilà, que le jeu soit gratuit. Donc voilà, donc là je vous ai parlé un peu de League of Legends. Sinon, juste en bref, je vous avais déjà parlé de Napoléon Total War. Bon, il y a eu les vacances qui se sont passées. Shogun Total War a été annoncé. Donc Shogun Total War, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça va être un jeu de stratégie. Ça va être un jeu de stratégie comme la série des Total War, en tour par tour et en, comment dire, en temps en direct. Donc voilà, donc ceux que ça plaît l'époque médiévale, les guerres du Japon, bah achetez Shogun Total War quand il sortira. Il risque vraiment de déboîter. Moi j'ai vu les nouvelles screens. Hein. Ils ont posté des screens, l'éditeur, et on a vu encore voilà, qu'il y avait des améliorations énormes qui avaient été faites sur les batailles maritimes. Et comment dire, les champs de bataille sont de plus en plus beaux, quoi. C'est de plus en plus réaliste, on sent vraiment à l'époque. Quoi. Par exemple, dans Napoléon Total War, moi je me sentais vraiment, il y a des moments, il y a des scènes, on sent vraiment dedans. Donc c'est super. Voilà, voilà. Donc je vous ai parlé de ça, sinon qu'est-ce qui arrive? Eh ben, il arrive Star Wars The Old Republic. Donc Star Wars The Old Republic, c'est quoi? Eh ben, Star Wars The Old Republic, c'est un MMORPG qui est développé par BioWare. Donc BioWare, c'est un studio qui a fait des jeux de qualité. Hein. Rappelez-vous des Baldur's Gate, des Icewind Dale. Pour les connaisseurs, bien sûr, je parle. Et pour ceux qui connaissent moins, bah, vous occupez pas du studio qui l'a développé. Moi, je vous dis juste que Star Wars The Old Republic, ça va être excellent. Moi, ce que je vois, c'est qu'il risque d'avoir donc des combats spatiaux. On va pouvoir choisir plusieurs classes. Donc, il y aura le côté, bien sûr, Sith. Et il y aura, bien sûr, le côté de la République, hein, donc la République Jedi. Donc, Star Wars The Old Republic, ça se passe, bah, ça se passe avant les Star Wars que vous connaissez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien la période-là. Donc, bien avant qu'Anakin soit né, tout ça. Donc c'est à une époque où en fait il y a eu quoi? Eh ben il y a eu des, comment dire, il y a eu des Jedi qui se sont corrompus et qui ont rejoint le côté obscur de la Force. Et donc ça a foutu un gros bordel dans la galaxie. La République a été scindée. Il y a eu une guerre civile. Donc pour les passionnés de Star Wars, moi je vous le conseille. Ça va vraiment être excellent. Sinon pour parler encore. Call of Duty, bah c'est toujours Call of Duty qui déchire en multijoueur, hein, pour ceux qui jouent au FPS. Bah, ça c'est mon avis, il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais pareil, vous voulez jouer à des FPS qui déboîtent, et bah vous prenez ça. Alors c'est quoi les FPS? Les FPS c'est des jeux de shoot en quelque sorte, hein, pour ceux qui savent pas du tout. On tire en quelque sorte sur son ennemi avec des armes, hein. Donc souvent c'est une... Enfin, ça dépend de la vue qu'on a, mais bon, on peut avoir une vue à la troisième personne. Et donc les Call of Duty, c'est plus c'est axé guerre. C'est axé guerre moderne en ce moment ou axé guerre seconde guerre mondiale, ça dépend de quel Call of Duty vous allez jouer. Mais c'est assez sympa, ça permet de jouer en équipe, en multijoueur, de prendre des chars, de se la jouer sniper, ou pourquoi pas être dans les forces spéciales russes. Donc voilà, si vous pouvez pas, vous avez pas pu aller dans l'armée, mais que vous avez envie d'en tuer quand même une paire en vous amusant, bien sûr, et bah, essayez les FPS et essayez Call of Duty. C'est des jeux extrêmement commerciaux, mais voilà, ça vous plaira. Voilà, voilà. Donc sinon, bah là, d'ailleurs, en parlant de League of Legends, les serveurs sont encore fermés. Bah, ils sont victimes de leur succès, les pauvres. Hein. Il y a tellement de gens qui viennent jouer à ce jeu-là. Donc là, je vais pas pouvoir trop longtemps vous parler de ça parce que mon profil est désactivé du coup. Donc voilà. Sinon, juste une chose que j'aimerais rajouter, c'est pour les connaisseurs, hein, c'était tout à l'heure, j'ai parlé d'Akali, donc hein, je vous ai parlé d'un personnage, c'était un ninja. Là, juste une chose à vous dire, c'est quand vous choisirez vos items, surtout prenez brillance, prenez brillance. Il y en a qui vous diront que ça sert à rien, il y en a qui... Mais franchement, brillance et après l'enchaîner vers un force de la Trinité, c'est, pour moi c'est excellent. Si vous prenez brillance, vous pouvez aussi prendre le risque de ne pas prendre les bottes plus 3. Hein. Je vous avais recommandé les bottes plus 3 pour être super rapide. Essayez plutôt les bottes de pénétration magique, donc les chaussures du sorcier. Hein. C'est des bottes plus 2, mais elles sont assez intéressantes. Donc voilà quoi, un force de la Trinité où auparavant on a commencé par brillance. On prend le risque, on prend des chaussures de sorcier, on prend la lame enragée de Guinsoo, un sceptre de Riley, et on finit par un pistolet d'Exetech. Et là, je pense que bah, vous cliquez, vous tuez tout le monde, vous êtes un dieu, quoi. Y a rien de tel. Enfin, voilà, voilà, quoi. Et bah, je vais vous laisser. Hein, je remercie Radioactif d'avoir pu me laisser parler. Hein, puis s'il y a des gamers qui veulent discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je joue à pas mal de jeux, je m'y connais assez bien. Donc voilà. Merci, ciao. radioactif. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Allô? Bonjour Jean-Claude. Ça va? Oui, c'est belle maman. Oui, très bien, très calme. Une très bonne journée. Et vous, le boulot, ça va, la santé? Alors cette grosseur mal placée, elle est voulu en retirer? Elle était mal placée, oui. Ah, ils ont réussi à le sortir, ce gros marron. Oui, oui, un petit bouton, mais ça peut revenir. Hein. Et faire cancer. Oui, ils l'ont retiré. Oui, d'accord. Oui, ils l'ont... Oui, mais souvent, ça revient. Et ça fait cancer. Oui. D'accord. Oui, ils l'ont... D'accord. Oui, ils ont tout raclé. Oui. D'accord. Mais même si... Oui, mais... Jean... Ça reviendra. Mon merde, ce con. Dites-moi, petit Jean-Claude, je pourrais parler à ma fille? Elle est... En cuisine. Oh, mais c'est peut-être pas la peine de la déranger. Si, vous me la passez. Allô, allô, Patricia. C'est maman. Je t'emmerde. Tu entends? Toi et ton Jean-Claude, là, je vous emmerde tous. C'est ça. Et le petit avec. Et il va te faire... Il va te faire poinçonner, ma connasse. Ah, je les aime pas tous les deux, hein. Je les supporte pas. Oh, ben dites, il faut bien s'amuser un petit peu quand même, hein. Hein, à nos âges. Allô? Allô, Jean-Claude? Oui, c'est encore moi. Oh, excusez-moi, écoutez, j'ai honte, je suis confuse, oh là là. Ben, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je crois que je perds complètement la boule. Ben, vous savez ce que c'est, vous? Mais non, mon petit Jean-Claude Alzheimer, ça vous dit quelque chose? Eh ben, c'est lui. Mais je suis prête à faire tous les traitements que vous voudrez. Ah oui, l'hôpital, la psychiatrie. Les camisoles chimiques, là, tout. Vous m'en voulez pas trop, alors? Hein? Elle est occupée. Oh, ben non. Non, ben laissez-la. Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine, on oublie. Jean-Claude, on oublie. Si? Vous me la passez. Juste un mot, là. Allô, allô, allô! Patricia! C'est maman. Alors, tu t'es bien fait ramener, ma salope? Eh ben, va te torcher les fesses, grosse morue, va! Et bonne... Et bonne soirée, ma pétasse! Oh, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. C'est terrible, là, quand même, cette maladie, hein. Hein? Mais qu'est-ce qu'on se marre? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Pourvu que tu jures, je vous aime. écoutez Radioactif, il est 17h52. Si comme l'auditeur précédent vous voulez participer, connectez-vous sur Skype et recherchez radio.actif et vous pourrez intervenir à l'antenne pour parler de vos passions, pour passer des petites annonces et autres messages, tout ce qui vous passe par la tête. On vous attend donc sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif, actif avec un K. Vous êtes en direct sur Radioactif, c'est à vous maintenant. Ouais, salut à tous, c'est Gloobil. Bon bah tout à l'heure je vous avais déjà parlé de League of Legends. Ah, on avait parlé un peu gamer. Et là bah je voulais encore parler d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, hein. Y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Dans la vie, faut sortir, faut se promener, faut aller voir un peu la nature. Alors la nature, elle peut être capricieuse, elle peut faire du mal aux gens, mais elle peut aussi être généreuse. Il y a des bons côtés et il faut savoir les connaître aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans la nature. Alors en ce moment, bah il y a les champignons, hein, donc pour nos amis du Québec, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en ce moment, chez nous, c'est vraiment le moment, c'est le top, hein. Il y a plein de champignons dans les bois, dans les prés, il commence à en avoir quelques-uns. Mais voilà, donc par chez moi, qu'est-ce qu'il y a comme champignons? Bah, il y a beaucoup de cèpes surtout. Hein, on peut trouver quelques jaunotes. Après, bon, c'est sûr, il y a beaucoup d'autres champignons à ramasser. Moi, ce qui m'intéressera surtout, c'est les cèpes, parce que c'est des champignons qui ont un goût absolument exquis. Et vous rajoutez ça dans une viande en sauce, c'est vraiment délicieux. Et puis, bah, on va dire les trompettes de la mort. Alors les trompettes de la mort, bon, c'est plus vers la Toussaint. Alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça peut ressembler les trompettes de la mort, c'est des champignons qui sont assez petits, qui poussent en masse au même endroit, souvent sur les souches pourries ou les troncs, ça aime bien les endroits comme ça. Ça a une couleur brune et ça a une forme de trompette en fait. Donc ça a une forme de trompette, c'est pas un champignon qui est... visqueux, gluant ou qui a une sale tête, c'est un champignon qui est pas désagréable à regarder, qui est facile à ramasser, qui est facile à reconnaître, qu'on peut couper, qu'on fait sécher et après vous pouvez les utiliser quand vous voulez, hein. Un peu comme les Chinois, ils ont leurs champignons noirs, hein, séchés, qu'ils mettent toujours dans leur plat. Bon bah nous on va pouvoir mettre des trompettes de la mort. Alors bien sûr, les trompettes de la mort, ça n'a pas la même valeur que les champignons noirs. Les champignons noirs, vous pouvez les acheter par kilo pour rien. Les trompettes de la mort, si vous les en voulez des bonnes, va falloir aller les chercher vous-même. Donc il y a les trompettes de la mort, hein, je vous ai parlé des cèpes auparavant. Et puis aussi bah, les rosées des prés. Hein. Les rosées des prés, alors c'est des beaux champignons. C'est des petits champignons blancs, enfin des petits, il peut y en avoir des très gros. C'est pas très haut. Ça a un chapeau qui est blanc, ça a un tronc qui est blanc. Et en fait, si on retourne, c'est-à-dire si on regarde la tête du champignon, on prend à l'envers, ça a des lamelles de couleur rose. Hein, c'est assez joli, ça sent bon. Et puis les champignons là, l'avantage qu'ils ont, c'est que donc c'est des champignons qui poussent dans les prés, hein, comme je vous ai dit, c'est les rosées des prés. Donc souvent, ils sont pas véreux. Hein, parce que dans les bois, parfois, on peut avoir des champignons, ils sont pas très beaux, il y a des bestioles dedans, donc on appelle ça des champignons véreux. Donc, ça c'est pareil, vous pouvez aller en ramasser. Et moi, par contre, ce que je vous conseille, c'est pas de les faire sécher ou autre, hein, c'est de les cuisiner tout de suite. Alors, les cuisiner, ça n'a rien de compliqué. Vous les lavez proprement, vous les coupez en morceaux. Vous les passez dans une poêle avec un peu de crème fraîche. Vous jetez ça sur une escalope que vous avez fait cuire un peu avant dans du beurre. Dans une pointe de beurre, bien sûr. Et voilà, et c'est délicieux. Donc voilà, donc en ce moment, bah, y a des petits cadeaux. Des petits cadeaux que nous fait la nature. Hein, donc il faut en profiter. Donc là, c'est les champignons. Il y a des fruits aussi en ce moment. Hein. Bientôt, les pommes, ça va être le moment où vraiment va y avoir de quoi ramasser. Les quetsches, elles vont être bientôt prêtes. Alors les quetsches, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les quetsches, c'est des prunes. Hein. C'est des prunes, des petites prunes noires qui poussent beaucoup par chez moi. Les mirabelles, bon, bah maintenant, c'est fini. Hein. Mais voilà, là, il y a quand même les pommes. Il y a les poires, il y a les quetsches. Et puis bientôt aussi le coing. Hein. Donc le coing, ça ressemble à une poire. Sauf que ça dit sa peau, c'est comme si sa peau c'était une comment on peut appeler ça. Sa peau, elle a plein de petits, un petit duvet blanc, voilà. Elle a un duvet blanc. C'est donc la peau du coin, c'est un petit duvet blanc, on le reconnaît tout de suite. Et puis un coin, bah, vous allez croquer dedans à pleines dents, et là, ça va vous faire un drôle d'effet parce que c'est assez. Le goût, il est pas très sucré, c'est pas agréable. Mais par contre, vous pouvez en faire des confitures ou alors des pâtes de coin, et c'est absolument délicieux. Hein. Les pâtes de coin, dans le temps, c'était un cadeau qu'on faisait aux petits enfants. Hein. Les gens qui vivaient à la campagne n'étaient pas très riches. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne le sont pas plus. Mais les gens faisaient leur confiserie eux-mêmes. Et on faisait souvent ça pour les enfants. On leur faisait une pâte de coin. On offrait ça à Noël. Ça faisait toujours plaisir. Donc, il y a plein de fruits intéressants à ramasser bientôt. Donc, ceux qui n'aiment pas les champignons, bah, au moins, je vous ai parlé d'autre chose. Alors, il y a les champignons. Et puis, bon, bah, moi, bon, ça, c'est plus dans les endroits de chez moi. Dans les régions montagnardes, il y avait les myrtilles. Hein, donc les myrtilles, les brimbelles. Alors les myrtilles, pareil, c'était encore une bonne année. Quoique il y en a de moins en moins. Les gens dévastent les myrtilles, hein, ils arrachent au peigne. Hein. Le peigne, c'est une sorte de griffe. C'est un outil, si vous voulez, un outil qui permet de les ramasser. Alors les myrtilles, ça ressemble à quoi? C'est quoi? Les myrtilles, ça pousse sur des sortes de petits buissons, mais pas des buissons... piquant, hein. C'est des petits buissons feuillus, c'est de couleur violette, c'est rond, c'est des petites boules, hein. Ça ressemble un peu à des groseilles, les groseilles c'est les cranberries en fait, hein. C'est exactement la même chose, mais bon, ça fait plus vendeur de dire cranberry que dire groseille, alors je sais pas pourquoi, mais bon, enfin voilà, enfin il y avait des choses à ramasser, il y a toujours des choses à prendre. Et puis, il y a aussi de quoi faire si vous avez envie de pêcher. Hein, donc là, en ce moment, de pêcher à la canne, bah, c'est un peu la fin. Hein. Tout a été ramassé cet été, quand il faisait chaud, quand il faisait beau. Les gens allaient pêcher. Là, bon, il y a un peu moins de poissons. Mais par contre, ça commence à se rafraîchir. On arrive à la mi-septembre. Bon, on va arriver octobre-novembre, les fleuves, les rivières, les étangs, les lacs vont redevenir gelés. Il y aura un peu, comment dire, il y aura un peu moins de poissons, donc les carnassiers vont se montrer. Donc là, il y a du gros poisson à choper, hein, particulièrement le brochet, le sandre et autres, si vous pêchez d'autres poissons. Mais pour les carnassiers, en ce moment, faut vraiment essayer de tenter le brochet. Le sandre, mais voilà. Moi, en ce moment, je suis surtout sur la pêche au brochet. Hein, je pêche à la cuillère. La cuillère, ceux qui savent pas ce que c'est une sorte d'hameçon qu'on monte sur un lancer. Donc, un lancer, c'est une canne avec un moulinet. Et en fait, on jette. Et en fait, cet hameçon-là, il a comme une sorte de petites pièces en forme de larme qui est accrochée à lui. On appelle ça une cuillère. Et qui fait que quand l'hameçon est jeté dans l'eau avec donc cette petite larme d'acier, la larme d'acier va tourner de façon à faire un mouvement brillant et à imiter un petit poisson. Hein, ça imite le mouvement d'un poisson. Donc les carnassiers, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils se jettent dessus. Donc c'est une pêche, il faut être patient, hein, il faut avoir un bon lancer. Un bon lancer dans les deux sens du terme. Hein, un bon lancer dans le sens matériel et un bon lancer dans le sens physique. Hein, faut savoir lancer correctement. Il faut pas hésiter à tout tenter. Hein, si au début on n'arrive pas, bah faut essayer la position avec laquelle on est à l'aise. Hein. Des pêcheurs professionnels, moi j'en connais plein. Moi ça m'intéresse pas. Hein. La pêche, ça doit rester un plaisir. Donc il faut pas hésiter. En ce moment, si vous pêchez de temps en temps, eh bah, allez pêcher, allez tenter, allez acheter une cuillère, acheter un lancer si vous en avez pas et essayez. Hein, essayez. Et un lancer, c'est toujours un bon investissement. Une cuillère, une bonne cuillère de qualité pour commencer, vous en aurez pour à peu près 4,50€, 5 euros. Je sais pas, ça fait combien en dollars canadiens. Hein. Tu m'excuseras, caporal, si tu pêches. Enfin, voilà. Et bon, voilà, avec votre lancer, ça sûr, il coûtera plus cher, mais vous pouvez tout monter dessus. Hein, vous pourrez faire un montage pour pêcher à fond. Vous pouvez même essayer au vif. Vous pouvez même mettre un bouchon. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses, hein, comme je vous dis. Suffit juste de se promener. Alors il y a des gens, et puis d'ailleurs ils ont bien raison, hein, il y en a que ça intéresse pas du tout toutes ces choses là moi je leur conseille quand même d'aller se promener, hein, d'aller se promener dans la nature. Ça fait du bien de respirer l'automne, les feuilles, c'est joli, Ça peut faire des marches agréables. Il y a encore des beaux rayons de soleil là, au mois de septembre, donc il ne faut pas hésiter à sortir. Faut pas hésiter à sortir de chez vous, à voyager. En plus, là, avec le froid qui arrive, eh ben, on va commencer à voir les animaux sauvages, on va réussir à les voir un peu mieux. Hein. Alors, comparé à ce qu'on croit, on voit mieux les animaux sauvages en hiver qu'en été. Hein. Parce qu'en été, ils ont de quoi faire pour se cacher. En hiver, bon, c'est un peu plus froid, il y a moins de nourriture, il y a moins de petits rongeurs, hein, des petits rongeurs des champs, dans les blés, si vous habitez à la campagne. Donc là, on va pouvoir voir des renards sortir, des belettes, on verra les chevreuils plus près, les sangliers. Les chevreuils, les cerfs, hein, enfin, bon, c'est des chevreuils. Enfin, il y a plein de choses à faire. Des lapins aussi, hein. Vous pouvez voir plein de petits lièvres. D'ailleurs, là, cette année, c'est encore une année exceptionnelle en lièvre. Enfin, exceptionnelle, on va pas s'en féliciter. Moi, j'aime les animaux, mais il faut pas qu'une espèce, elle pullule trop. Il faut qu'une espèce soit chassée, soit prélevée. Voilà, c'est jamais bon quand elle se développe trop, et là, ça devient vraiment une invasion. J'ai remarqué par chez moi, il y a de plus en plus de lièvres. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a moins de chasseurs. Donc, les lièvres, bon, beaucoup de gens vont me dire, oui, c'est des petits lapins, c'est beau, ça dérange personne. Alors, ça dérange personne, mais par contre, quand vous vous ferez bouffer votre jardin, une fois, deux fois, trois fois, vous commencerez à en avoir après les lièvres. Hein, les lièvres qui mangent tout, qui dévastent tout. Bon, c'est pas une... C'est pas un virus, hein. C'est au contraire, hein. Les lièvres ils sont très utiles, mais faut pas qu'il y en ait trop, surtout qu'ils véhiculent beaucoup de maladies, hein. Souvent les lièvres ils ont beaucoup de puces, hein. Si vous avez déjà tué un lièvre, en général on le tue, on laisse son corps de côté, car en fait pendant que le corps du lièvre il refroidit, ça fait fuir tout de suite les parasites, hein. Toutes les puces, toutes les petites bêtes s'en vont, faut faire attention à ça parce que c'est assez sale souvent. Donc voilà, donc il y avait de quoi faire, hein. Moi je chasse pas. Les lièvres, parfois, ça m'arrive d'aller en chercher. Alors, bon, je braconne, c'est interdit. Moi, de temps en temps, je pose un collet. Donc, un collet, qu'est-ce que c'est ? Ben, un collet, c'est un petit piège. En fait, c'est tout simplement un élément du décor ou un bout de bois que vous avez mis qui sert à maintenir un petit câble métallique où dedans, il y a un nœud qui est fait de la façon à ce que ça étrangle le lapin. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Bon, c'est interdit, hein, ne le faites pas, n'en parlez pas. Enfin voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que il y a des choses de la nature qui nous sont données. Vous pouvez aller en profiter, hein, faut pas avoir peur. Hein. Si même si vous habitez la ville, la campagne c'est jamais très loin, faut y aller. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser sur Radioactive, hein. Et merci à tous de m'avoir écouté. Matez-moi cette immature qui nous le fait à la coquette. Car jouer à la cocotte quand on est poule sur un mur, c'est mal vu même par les potes. C'est la seule chose qui soit sûre. Être poule sur un mur, on voudrait que ça s'arrête. Quand les habitudes perdurent, faut la force pour tenir tête. Faut la force qui rend dur, qui permet de tout bousculer, alors que les autres ont dû bête à tuer dans le poulailler. Et la boule sur son mur a fini par trébucher du côté moins sûr, bien sûr, et cela sous les huées. Et la boule hors de ses murs, d'un coup seul nu, toute mouillée, s'est demandé si l'aventure allait bien longtemps l'endurer. Vous écoutez Radio Active. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapricornFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Quel malheur, mon petit Jean-Claude! Vous devez me détester! J'espère que le petit n'est pas au courant. Le petit, vous ne lui avez rien dit. Oh, c'est gentil. Oh, c'est qu'il aime à sa mamie. Et oui, moi aussi. Ah non! Ah non, je crois qu'il vaut mieux que j'en finisse tout de suite. Oh, bah écoutez, quand on dit des saloperies pareilles, vous pensez pas? Oh, ça me fait chaud au cœur ce que vous me dites. Ben, si vous pensez que ça peut s'arranger un jour, ça va déjà mieux. Je me sens plus calme d'un coup, plus d'attaque. Ah non, je recommencerai pas de sitôt, donc il n'y a pas de danger. Voilà, moi aussi. Dites Jean-Claude, je voulais vous dire, s'il devait m'arriver quelque chose... Non, je dis quelque chose. Dites-lui surtout que sa maman l'aimait très fort. Très fort, voilà. Adieu. Adieu, mon Jean-Claude. Couple d'abrutis. 1, 2, 3. Brille. Allô. Patricia, oh, si je m'attendais. Oh, qu'est-ce que je suis malheureuse, tu sais. Oh, bah, toi aussi, tu pleures. Oui, mais je sais que tu m'aimes, ma pauvre petite. Mais ta maman aussi, tu sais, à sa façon. Oui, moi aussi. Très fort, moi aussi. Moi, pareil. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais puisque je te dis que ça va, t'as pas fini de me faire chier? Hein? Je te nique, tu entends? Toi et ton gros connard de Jean-Claude, là je vous nique tous! Je nique toute la famille! Voilà! Et joyeux Noël, les trouducs! Enculé! Peut-être été un petit peu loin là. Demain, je rappellerai pas. Hein? J'attendrai après-demain. C'est formidable de vieillir. On peut tout se permettre. On vous pardonne tout. Si, vous verrez. Tout, tout. Si, comme l'auditeur précédent, vous voulez intervenir sur Radioactif, n'hésitez pas à vous connecter sur radio.actif en utilisant Skype et vous pourrez intervenir, passer des petites annonces, parler de ce que vous voulez. On vous attend. Il est 18h22 sur Radioactif. take apart. Raise the mighty ones of the wrong device, building upon fear and the loss. The dare to talk you into sacrifice. Do what I did, man. Il est 18h35 sur Radio Actif. Vous pouvez encore intervenir pendant la petite demi-heure qui reste. Et puis après, on se retrouvera donc dimanche prochain. N'hésitez pas à aller sur Skype sur radio.actif. Vous recherchez le pseudo radio.actif. В далекой Шотландии тишь над холмами, лишь плещется волнами Твит. Забытый давно и людьми, и богами, там замок старинный стоит. В замке том рыцарь живет одинокий, на муки судьбой обречен. Поет его лютня о той синеокой, в которую рыцарь влюблен. Сердце возлюбленной к рыцарю хладно, и лютне не внемлет оно. А рыцарь томится в тоске безотрадной, расставшись с надеждой давно. Рыцарь поедет в далекие страны, он подвиги будет вершить. И сложит он голову в битве с врагами, чтоб вечно ту деву любить. Voici la métamorphose, le besoin de la bonne cause, voici ce que l'on nous propose. bien, épiffé les mondes de drame, éloquence et la prestance, rien n'ont pas leurs apparences, dans les mises en examen, dans l'oppression sous témoin, dans les sociétés d'écran, dans le mensonge de la temps. Et on a votre éthique, boutique et ontologique, des voies de sombre pratique, derrière ces lois stratégiques, ces discours démagogiques, font partie de cette logique, la vertu antiseptique, aux ailes de cette politique, tout porter en monde de guerre, même inculpé, on est fier, quand on a pas le sourire, ça nous fait bien réfléchir, sur l'univers carcéral, cette formalité banale, se retrouver au terminal quand le mal se dévoile. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Active, c'est le mouvement collectif qui pique dans le pays. Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, Actif, avec un K.fr. Qui pique dans le pays. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Tacticalfm.com. Ose dénoncer. Tacticalfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Bonjour docteur. Oui, aujourd'hui je suis détendu, il n'y a pas de mystère. Vous savez pourquoi? C'est parce que je sais que vous allez me faire simplement un petit plombage. Ah bon, vous êtes obligé de faire une piqûre? Non, j'ai pas peur. Mais la piqûre m'impressionne toujours un peu. Vous avez raison, c'est ridicule. Exactement. C'est jamais qu'une aiguille qu'on enfonce dans la gencive. J'aurais pas dû dire enfonce, même le mot m'impressionne, vous rendez compte? Oui, c'est stupide, exactement. La douleur fait partie de la vie et il faut l'accepter. Je vous observe, docteur, je vous observe. On n'imagine jamais qu'une aiguille aussi longue soit nécessaire pour faire une piqûre. Surtout dans une gencive. Oui, il vaut mieux pas que je regarde ce que vous faites et parlons d'autre chose. Pardon? Le dernier film que j'ai vu. Oh ben si ça vous intéresse, je vais vous raconter ça. C'est un film de science-fiction américain. L'histoire pas terrible, voilà. À la suite de manipulations génétiques, il y a des femmes qui donnent naissance à des enfants qui sont en fait des araignées. Donc, comme vous voyez, c'est très américain, assez infantile, un peu stupide, bon. Et alors, dans cette histoire, il faut y aller, oui. Attendez, j'ai pas tout dit. Quand ces enfants viennent au monde, ils sont normaux. Puisque les pattes d'araignée ne poussent qu'à la puberté. Ça, il vaut mieux savoir quand même, oui. Attendez, j'ai autre chose. Ces enfants se reconnaissent entre eux, parce qu'ils ont une manière de marcher très bizarre. Je peux vous montrer, j'en ai pas pour longtemps. Et bien, vous voyez, ils marchent les bras collés le long du corps, comme ça. Et à la puberté, quand les pattes leur poussent, ils marchent comme ça. Non, je veux pas vous mettre en retard. Oui, docteur, je suis prêt, on y va. Tenez, enlevez la main. J'ai une dernière chose à dire. C'est la nuit que les araignées attaquent les gens. Elles enfoncent leurs dards. J'aurais pas dû dire enfonce, j'ai dit enfonce. On y va, docteur, allez-y. Si vous supportez bien la roulette, je ne serai pas obligé de vous faire une piqûre. Mais ne bougez pas la tête, ça peut être dangereux. Ne mettez pas la main sur la fraiseuse, ça sert à rien, hein, détendez-vous. Patricia, répondez. Ne vous enfoncez pas dans le fauteuil, là, je suis obligé d'aller vous chercher. Demandez-lui si elle a mal. Attention, je suis au centre. Oui, là, je vous fais mal, je sais, je vous fais mal, oui. Prenez un rendez-vous depuis ce temps. Vous voulez savoir où est le carré rendez-vous, quand même. Ne fermez pas les yeux, vous activez la douleur. Regardez-moi bien en face, ça vous aide. Voilà, c'est bientôt fini, c'est presque fini, voilà. Alors, vous l'avez trouvé, ce carré rendez-vous? Ne fermez pas la bouche, j'ai pas terminé. Préparez un ciment. Ne fermez pas la bouche, faut la finir, cette dent, hein. Un peu de courage, on y va. Hop, allez, voilà. Bravo! Il faut pas penser au dentiste, il faut jamais penser au dentiste. D'ailleurs, il y a trois choses qu'on peut pas regarder en face. Le soleil, la mort, le dentiste. Radio Active. peut encore intervenir pendant quelques minutes, encore pour 10 minutes. Connectez-vous sur Skype et recherchez radio.actif. On attend vos appels. Silencieuse s'évade dans ce des yeux curieux des étoiles nomades. chante les cieux, danse les âmes mélomanes. D'ici si doux quand la nuit gagne, les rêves au dos des vieux chamans. En cercle nous mêlons nos âmes. Nous sommes des anges tombés d'une aile gitane. Danse nos voeux, chante nos cœurs amoureux. Vivons en cœur aimant dans l'âme indissociable. Tu sais si doux quand la nuit gagne. Jamais l'amour ne se fane. Que nous soyons de Aubillac toujours, nous partagerons le même feu. Ce monde n'est qu'une seule et même montagne. Pierre après pierre nous ramène tous vers le même bleu. Tu sais si doux quand la nuit gagne. Radio Active. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître Le vrai. Du faux. Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Tacticalfm.com. Ose dénoncer. Tacticalfm.com. Ose dénoncer la désinformation. Et voilà, Open Escape, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. Tout de suite après, vous aurez en direct de nulle part une rediffusion de l'émission qui a été faite en direct le vendredi 10. Ciao, bye bye.